voir l'arbre qui se dresse fier, ayant vécu tant d'ivresse. Ma foi, s'il a pu, c'est qu'il le pouvait. Je donne à cet arbre tout mon respect. Je traverse ce chemin de terre inondé de lumière. Aussi je sens une odeur de feuillage, un corps amer. Je m'aime et aime ça, mais qu'est-ce qui me prend? Je promets de ne plus me plaindre.